18 août, Danny Veilleux, le bulletin de sport local et régional. C'est l'ouverture hier du camp d'entraînement des Saguenay de Chicoutimi avec l'arrivée des recrues. Yannick Jean a profité pour annoncer l'arrivée du joueur de 20 ans, Ryan Verbeek, qui a évolué avec les Frontenacs et Kingston au cours des 4 dernières années. Les Frontenacs sont libérés par la suite et en 62 matchs, l'an passé, il a amassé 22 points, dont 9 buts. Certains dépisteurs pensent qu'il pourrait marquer une trentaine de buts cette année et jouer surtout un rôle de leader dans la chambre. En fin de semaine, c'est Milo en rodéo à Saint-Ludger-de-Milo. Et hier, on a parlé avec la présidente de cette classique, Chantal Arnold. Et on sait que c'est une activité qui a commencé très petit. Et ils ont ajouté quelques épreuves année après année pour devenir maintenant ce qu'elle est devenue aujourd'hui, explique Chantal Arnold. Année en année, on a toujours ajouté un petit quelque chose sans toutefois essayer de devenir trop gros non plus. On voulait pas que ce soit dans les spectacles ou dans n'importe quoi. Ça a grossi, je dirais, naturellement, sans qu'on force rien. D'année en année, ça a été plus connu encore. On a des gens de la Gaspésie qui viennent, on a des gens de Montréal. Chantal Arnold a mentionné que dans un deuxième temps, qu'elle s'attend vraiment à beaucoup de compétitions au cours de la fin de semaine. Calibre, oui. Écoute, les compétitions de Gymkhana, c'est de plus en plus populaire. Ça fait nous autres, ça fait 10 ans. C'était commencé depuis quelques années avant nous autres, le club de Barry, de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Okay. C'est eux autres qui avaient fait la demande au départ. Ils faisaient les compétitions un peu partout, là, en région et à Saint-Tite. Fait que le rendu à Milo, nous autres, on a comme la demi-finale du Gymkhana. Fait qu'après ça, c'est Saint-Tite, ils se positionnent. On donne 8 000 $ en bourse cette fin de semaine-là aux compétiteurs qui viennent faire les compétitions de Gymkhana. Et on termine avec de l'athlétisme. Il y avait une compétition à Montréal hier aux 5 km. Alex Bussier a participé à l'événement. Et ça s'appelait le 5 km d'endurance. C'est une compétition en préparation pour sa course du 11 septembre prochain. Bussière a terminé au 14e rang, négociant un temps de 15 minutes et 44 secondes. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu avec le président de la Fédération québécoise de baseball, section Saguenay-Lac-Saint-Jean, Éric Bégin. On fait le bilan de l'année. Chantal Arnold vient nous parler de Milo en rodéo. C'est la 10e édition en fin de semaine à Saint-Ludger-de-Milo. Également, je me suis entretenu avec Jérôme Gravel de Chambord qui va tenter de percer l'alignement du Titan d'Acadie, Batters. Le sport local et régional, à danradiosport.com. On s'en occupe.